Bonjour, nous sommes aujourd'hui dimanche 6 octobre. C'est notre dernier jour à Rome et nous avons décidé de visiter aujourd'hui les thermes de Caracalla. Alors, les thermes de Caracalla. De loin, les thermes les plus majestueux et les mieux préservés de Rome. Bien que dépouillés de leur marbre et de leur mosaïque, ils offrent un exemple important de l'architecture romaine, plan axial, symétrie et fonctionnalisme. Avec une superficie de 120 000 m², les thermes de Caracalla pouvaient recevoir simultanément 1 500 personnes. Ils comprenaient gymnases, bibliothèques, salles de spectacle et de musique, ainsi que de grands jardins. L'enceinte en forme de portique a disparu. Entre parenthèses, il fallait bien trouver quelque part les forêts de colonnes antiques qui ornent les églises de Rome. Fermez la parenthèse. On entre donc aujourd'hui par ce qui fut le Frigidarium. Sur la droite se trouvaient les vestiaires et un gymnase. De là, on passait dans une salle sèche, très chaude. Puis dans le Caldarium, où l'on prenait un bain chaud pour se laver. Ensuite au Tepidarium, piscine d'eau tiède, et au Frigidarium, grande piscine froide. Construit sous le règne de Caracalla, de 212 à 217 après Jésus-Christ, les thermes restèrent en service jusqu'au VIe siècle, époque durant laquelle les Goths détruisirent, alors peut-être qu'on dit Goths aussi, en G-O-T-H-S, détruisirent l'aqueduc qui les alimentait. De nombreuses œuvres d'art ont été retrouvées ici, dont l'Hercule Farnèse et la plupart des mosaïques exposées au Vatican. Spectacle. L'été, en juin et août, les thermes de Caracalla se transforment en scène de spectacle pour accueillir opéra et ballet de l'opéra de Roma. Alors, je vais prendre le texte en anglais et je vais demander la traduction à Lens. Alors, la traduction d'un des panneaux. Il faut que je prenne dans le bon sens. On va s'éloigner un petit peu pour laisser les gens devant. Alors, le troisième paradis de Michelangelo Pistoletto. Le troisième paradis de Michelangelo Pistoletto au terme de Caracalla marque l'union de l'histoire et de l'art contemporain. Dans l'archéologie mythique des thermes, l'artiste a inscrit le signe du troisième paradis en utilisant comme matériau les objets appartenant à une antiquité encore présente. L'épreuve d'un signe archétique qui projette le passé en réduisant la distance historique, affronte le présent et chevauche le futur avec un projet dans lequel l'art assume même la responsabilité des destinées de toute la société. L'œuvre trouve son expansion et son irradiation sur la web radio de RAM, Radio Arte Mobile, qui vaporise les effets dans l'éther. RAM comme un embrun. Permettant ainsi à l'image de rencontrer d'autres langages, la parole et la musique. Alors, effectivement... Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est pas, ils ne sont pas disposés n'importe que, comment, les pierres, elles sont disposées avec un rond central et deux ronds de chaque côté. Voilà, donc c'est, apparemment c'est une œuvre d'art. Des grands arbres, là c'est une autre sorte de pin. Je crois qu'il y a un énorme magnolia là-bas. Donc encore des vestiges, des pierres qui sont au milieu de l'herbe. On longe toujours un mur là sur la droite. En tout cas, c'est bien agréable. Arrête, sois naturel. Mais je suis naturel. Il y a encore un grand bâtiment sur la droite. C'est pas la visite la plus intéressante. Non, c'est sûr. Bah, c'est-à-dire que c'est impressionnant de voir ces grands bâtiments et de se dire que ça pouvait y avoir 1 500 personnes. Mais ils ont dit le mètre carré. C'est énorme. Et c'est très très haut, quoi. Attends, il y a de la boue. Il a plu aussi. Si... Oh, petite, elle a dû tomber dans la boue. Alors, je vais prendre une photo là avec le miroir d'eau. Ça fait comme une sorte de lac, c'est ça? Ça fait une grande surface rectangulaire Et tu vois des tout petits jets d'eau. Et en fait, tu as de l'eau qui coule. Mais il y a un système qui fait que ça ne s'écoule pas dans l'herbe. Ça repart automatiquement dans le circuit. Ce qui fait que ça fait une surface d'eau, en fait. Comme certainement ce qui existe à Bordeaux, je crois. Mais on voit le... Du coup, ça se reflète dedans, même pas? Qu'est-ce qui se reflète? Ah bah, quand tu es à côté, ça doit se refléter, oui. Parce que là, je vois les arbres en face. Je vois le début du tronc dedans, alors qu'on est loin. Donc effectivement, quand tu es à côté, ça doit être superbe. Hop, on va essayer de doubler. Vas-y, mets-toi derrière moi. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté? Hop, un petit truc à passer. Là, ils ont commencé à refaire sur la droite et là où on va passer. Ils ont remis des briques. Oh là là, c'est plein d'eau là. Mets-toi derrière moi. Là, il y a un grand morceau de pierre avec encore de la mosaïque. Donc, c'est certainement c'était une partie de sol, à mon avis, qu'ils ont mis debout pour qu'on voit. Et ça représente des poissons. Mais avec une queue comme un caméléon, en fait. Ça fait un mélange. Là, c'est noir et blanc. Et au sol, il y a encore un morceau de mosaïque assez grand et qui donc t'as le mur juste derrière et en fait là les couleurs sont apparentes donc il y a du rouge bordeaux, du blanc, du vert foncé, du jaune orangé et on voit bien les trous dans les murs d'où devait les jets d'eau. Ouais, où devaient être accrochées sur les plaques de marbre, parce qu'ils disent que... Et donc là, le mur, là, ça fait jusqu'à là-haut, ici. Et là, ça fait un arc de cercle. Donc, est-ce qu'il y avait encore des bains là-haut? Peut-être. Ça devait être sur plusieurs étages. Alors, il y a un panneau là-bas. On va s'éloigner un petit peu pour laisser les gens. Mais, lève-toi. Alors, les palestres étaient double et symétrique. Les palestres, donc ça doit être... est-ce que c'est ce qui y a par terre, les palestres? Je sais pas. Les palestres étaient doubles et symétriques. Elles furent fouillées en 1870. Les sols des palestres étaient en mosaïque de marbre coloré avec une large utilisation de porphyre vert broyé, entre parenthèses serpentino, et de jaune antique. Ils présentaient des dessins extrêmement variés et originaux, avec des motifs curvilignes et un beau motif en volute au centre, réalisé en roche serpentine. Dans les deux absides, lors des fouilles de 1824, on a retrouvé les célèbres mosaïques avec les athlètes. En 1963, elles furent transférées au musée du Vatican, où dans les années 70, elles furent remontées dans leur ordre d'origine et leur forme semi-circulaire primitive. Les sols étaient bordés de bordures noires et étaient divisés intérieurement en panneaux rectangulaires, carrés et de forme irrégulière. Le premier contenait des portraits grandeur nature d'athlètes ou de juges, le deuxième des représentations de bustes d'athlètes plus grands que nature et le troisième des représentations de l'équipement et des prix pour les athlètes. Ils se distinguent immédiatement des juges par leur nudité et selon leurs attributs, on reconnaît les vainqueurs avec palmes et couronnes, les boxeurs, les lanceurs de javelots et les lutteurs. Les sols des niveaux supérieurs étaient décorés de motifs de procession marine avec Néréides, Tritons, Dauphins, Amours et Monstres marins. Ils mesuraient environ 300 mètres de long. Il s'est effondré des étages supérieurs et repose maintenant en gros fragments appuyés contre les murs des deux palestres. Ouais. Alors, donc là, ils ont en photo. Mais tu vois pas les athlètes, t'as pas vu d'athlètes là? Non, parce qu'en fait, c'est exposé au musée du Vatican. Non, mais là, mais même, moi, je ne m'en parle pas au Vatican, je m'en rappelle. Bah non, parce qu'on n'a pas fait attention, il aurait fallu. ils ont mis un panneau avec une photo et une statue. Alors, donc, c'est un homme nu, avec les cheveux frisés, une barbe frisée. sa main droite est comme ça, derrière, là. Le pied gauche est devant le pied droit et il est appuyé comme s'il était appuyé sur une rambarde, mais avec une forme de, on croirait une forme de tête de serpent. Voilà, ça devait être une sculpture qui représentait autre chose sur laquelle il est appuyé. Alors, je voudrais prendre la traduction de ça. Alors, le Frigidarium était une grande salle de 58 sur 24 mètres, couverte de 3 voûtes d'arêtes qui reposaient sur 8 colonnes colossales en granit gris égyptien, dans 4 grandes niches aux extrémités des longs murs étaient placés des bassins d'eau froide. Le sol de la salle était en marbre avec des incrustations d'opus sectiles. Deux des statues les plus célèbres trouvées dans les thermes étaient l'Hercule Farnèse et l'Hercule Latin, retrouvées dans le Frigidarium. La notoriété de ces statues était telle qu'elles furent reproduites dans toutes les tailles, depuis les statues réelles de 3 mètres jusqu'aux copies en terre cuite de quelques centimètres seulement. Hercule était aimé par la famille Sévère et donc fréquemment représenté dans les thermes, où l'un des chapiteaux figuratifs les plus célèbres de l'Antiquité a été retrouvé dans le Frigidarium lui-même, le demi-dieu représenté en position de repos, appuyé sur sa massue. Voilà, c'est la statue. C'est Hercule. Voilà, c'est Hercule. Donc il est appuyé sur sa massue. Là, il y a une autre statue. Là, c'est une femme. C'est peut-être une déesse, hein, je ne sais pas, qui est représentée debout. Donc voilà, c'est que la photo. Et voilà des fleurs dans la main gauche. Elle est vêtue d'une tunique, mais très légère, parce qu'on devine ses seins et son ombrelle à travers. Et elle tient de sa main droite un morceau de sa tunique, de sa chasuble, comme on l'appelle. Ils expliquent les dessins. Il y a un panneau où ils expliquent les dessins. Et là, c'est à du braille, en fait. Donc, au haut de cette pièce, sur... Non, attends, je vais prendre la traduction plus vite. Je ne sais pas si ça va arriver à lire, parce que ce n'est pas écrit comme sur du papier. À l'étage supérieur de cette salle, il y avait une mosaïque figurative. Ici, nous avons représenté un détail du corps et de la queue d'un monstre marin monté par un héros tenant un fouet dans sa main droite. La mosaïque est réalisée en utilisant des tesserae blanches, c'est-à-dire du marbre blanc, pour le fond et des tesserae noires, c'est-à-dire du basalte, pour les figures. Donc là, je vais te faire toucher. Donc c'est représenté en relief. Alors ici, voilà, je te laisse, là, tu as la queue du monstre. Le monstre marin. Voilà, ça descend. Ça, c'est le corps, ça? Ça doit être le corps. Voilà. C'est fait avec des trucs oui, c'est rayé. Striés. Ouais. C'est comme un peu thermoformé, qu'on va dire, ouais. Pour ceux qui connaissent. Voilà, et voilà, ici tu as une silhouette de Héros. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors, ses jambes. Et là, ça représente vraiment le dessin, en fait. Oui, derrière, oui, tout à fait. Là, il a un fouet dans sa main, il lève au-dessus de sa tête. Voilà. Et en fait, ici, là, ce que tu sens ici, ça doit être un morceau de sa cape. Sa cape ou une aile. Est-ce qu'il est représenté avec des ailes? Parce que là, on croirait que c'est qu'il a une aile sur le côté. C'est pas la même. Non, c'est pas la même. Ouais. Non, là, c'est des rangs. C'est pas mal. Hein. Et là, donc, du coup, c'est écrit en braille. Mais c'est écrit en italien. Là, c'est les lettres. Et en dessous, c'est en braille. Oui, c'est vraiment en braille. Ah oui, ça l'est. Alors, donc, ils expliquent. En fait, ça, évidemment, ça signifie quelque chose. Le fait que ce soit des rangs, c'est les ailes. C'est une légende, en fait. Hein? C'est, ça s'appelle une légende. Oui, c'est ça. Donc ça, le fouet. Là, ici, donc c'est tout lisse. Donc c'est le corps d'Eros. Voilà. Et là, ici, donc ils mettent drap. Je ne sais pas ce que c'est, drap. C'est peut-être la, son habit, quoi, non? Bah, je ne sais pas, parce que... Ah oui, c'est dans l'autre sens des lignes. Regarde, là, c'est dans ce sens-là, les lignes, et là, c'est dans ce sens-là. Mmh. Et oui, le monstre, il a les lignes comme ça, c'est marqué, là. C'est marrant, qu'ils ont vraiment fait les lettres... Oui, mais tu as du braille aussi. Il y a les deux, oui. Oui, il y a les deux. Mais les lettres en relief, ça tu veux dire? Oui, c'est rare. Il y a toujours un truc adapté, c'est marrant. C'est bien fait. Oui. Sur chaque site, tu as au moins un truc. Oui, moins, okay. Oui. Où on te permet de toucher, de lire. Là, il y a un groupe. Ils ont tous les écouteurs sur les oreilles. Ils sont en train d'écouter le gros. La groupe. On dirait qu'ils vont un spectacle de deux descriptions. C'est presque ça. Dans tous les casques comme un mouche à oreille. Ah là, il y a les mosaïques de représentants. Et apparemment, c'est accessible. Donc là, tu as encore un sol en mosaïque qui est impeccable. Donc, exemple de mosaïque géométrique. Donc là, on te fait toucher les dessins. Mmh. Voilà. Voilà, c'est bouillant, c'est chaud. C'est bouillant, ah ouais. Et là, tu as un autre côté là. Donc là, Numidicum marbre. Et le green porphyre, là, ce qu'il disait, du vert porphyre. Mmh. Ici, du porphyre rouge. D'accord. Ici, là, du marbre blanc. Et là, du coup, tu peux toucher comment ça se présente. Mmh. C'est au sol. Mmh. C'est spiritine déjà. Ouais, et au milieu, donc tu as les formes. Mmh. Voilà, ça alterne entre du rouge porphyre, du vert, ouais, okay, du blanc, du marbre blanc. Mmh. C'est bien fait. Tu arrives à imaginer bien, ouais, du coup. C'est comme une damine sur deux damines. Ouais, c'est ça, ouais. Avec des côtés arrondis. Ouais, devant. Ouais. Et là, donc, ils te mettent un exemple avec du marbre blanc. Là, toujours pareil. Mmh. Et ça, c'est du basalte. Donc, ça, c'est noir. Non. Donc là, ça fait des formes comme ça. Et après, ils t'ont fait la... C'est pour bien voir la différence entre voilà. Les deux. Et après voilà. T'as la représentation. Voilà, du sol. Ça fait plus irrégulier en fait. Ça ouais. Fait... Oui, voilà, les autres c'est bien régulier. Que là, je pense pas que ce soit mis n'importe comment, mais ça donne cet effet là. C'est la représentation est pas mal. Ouais. Voilà, et bien souvent, donc tu fais une photo de ça Oui. Donc là, ils ont surélevé pour pas qu'on marche dessus, mais là, le sol, il est pratiquement impeccable. Attention, il y a des gens qui passent de l'autre côté. C'est incroyable comment c'est resté, mais là, tu vas pouvoir toucher. Alors, légende. Donc, swimming pools and games. Légende. Alors, le mur avec les... Alors, donc je te laisse tousser l'ensemble. Parce que là, tu as deux étages de représentés. Donc, ça, c'est le bas. Ça, c'est la piscine d'eau froide en bas. Donc, pour nous, elle est de couleur bleue. D'accord. Voilà. Et ça, celle-là, c'est quoi ce truc-là, Simon ? C'est toute la piscine, ça ? C'est toute la piscine. Ça, c'est, voilà. Ça fait vraiment comme un couloir de nage. Quoi. Voilà. Donc, après, donc, en lisse, donc, c'est le mur nord-est avec des niches et des colonnes. Donc, ça, c'est une colonne. Voilà. Ça, c'est pour représenter ce que je viens de toucher en Ouais, je pense. Ouais. Parce que là, t'en as une. Ouais. Et après, donc, tu touches les niches, là, ici, tu sens ? Oui, mais ça fait trois colonnes, en fait. Une, deux, trois, quatre. Quatre colonnes. Ouais. Et c'est ce qui est représenté là-dedans ? Oui, ouais, c'est ce qu'on imagine sur le côté, je pense, parce qu'on voit encore la trace des niches. Et ça, c'est, ça, fait ça, c'est la base. Ça doit être la base de la colonne. Non, parce qu'après, ça fait, après, ça fait évaser en haut. Là. Ouais. Voilà. Et ça fait cette forme-là aussi, là comme bah ça. Là, non, on imagine. Là, tu imagines, ouais. Ouais, on imagine. Ça, je crois pas. Voilà, et là, tu as les niches. Là, si tu touches là. Tu vois là. Ici, là, tu vois, tu as une niche et on imagine une statue dedans. Ah oui. Voilà. Et tu en as une autre ici, tu vois, tu en as trois qui se succèdent. Mm-hmm. Encore une là. Voilà. Et donc, là, tu as la partie inférieure, et là, à nouveau, tu as des niches. Mm-hmm. Même ouais. En dessous, quoi. Aligné, mm-hmm. Ouais. C'est immense quand tu vois le. C'est immense, oui. Il y a une certaine symétrie là entre chaque. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et là, c'est écrit en braille. Mmh. En italien, c'est écrit en italien. C'est des N et des O, des I. Mais... Mais pour dire, c'est vraiment très bien parce qu'ils sont. C'est tu sens bien? Ah oui, ils sont super. C'est pas usé. C'est pas usé. Alors, que je te dise. Donc, le Natazio était un grand bassin découvert, 50 sur 22 mètres, aux eaux froides et peu profondes. Les murs étaient hauts de plus de 20 mètres et décorés de deux rangées superposées de niches remplies de statues, séparées par des colonnes géantes. Les baigneurs jouaient à des jeux sur les bords du bassin. On trouve encore des vestiges visibles d'une tabula lusoria, entre parenthèses, un jeu gravé sur une marche en marbre pour le jeu des billes. C'est bien représenté. Hein, ouais. Voilà, j'espère que cette petite visite virtuelle vous aura plu. En tout cas, nous, on a fait ça avec plaisir. Bien sûr, le fichier dure beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bêtises. Et d'ailleurs, je vous en mets une petite pour terminer. Allez, je vous remercie, puis à tout bientôt. On continue à enregistrer de toute façon, on continue. Ouais, mais j'aimerais bien, parce que là, qu'on ne fasse pas pour rien. Tu ne veux pas faire un essai, voir si c'est bien enregistré, si le micro, il marche bien. Là, je le dis, là, au micro, elle est casse-bonbon. Quoi? Ah, pardon. Je n'ai rien dit, moi, je n'ai rien dit. Ouais, t'as dit quelque chose.